Chapitre 4 De quelques poèmes français et étrangers. Quand le christianisme n'aurait donné à la poésie que le paradis perdu, quand son génie n'aurait inspiré ni la Jérusalem délivrée, ni Polyeucte, ni Esther, ni Athalie, ni Zahir, ni Alzire, on pourrait encore soutenir qu'il est favorable aux muses. Nous placerons dans ce chapitre, entre le paradis perdu et la Henriade, quelques poèmes français et étrangers dont nous n'avons qu'un mot à dire. Les morceaux remarquables répandus dans le Saint-Louis du Père Lemoine ont été si souvent cités que nous ne les répéterons point ici. Ce poème informe apportant quelques beautés qu'on chercherait en vain dans la Jérusalem. Il y règne une sombre imagination, très propre à la peinture de cette Égypte pleine de souvenirs et de tombeaux, et qui vit passer tour à tour les pharaons, les Ptolémées, les solitaires de la Thébaïde et les Soudans des barbares. La Pucelle de Chapelain, le Moïse sauvé de Saint-Amand et le David de Cora ne sont plus connus que par les vers de Boileau. On peut cependant tirer quelques fruits de la lecture de ces ouvrages. Le David, surtout, mérite d'être parcouru. Le prophète Samuel raconte à David l'histoire des rois d'Israël. « Jamais, dit le grand saint, la fière tyrannie, devant le roi des rois, ne demeure impunie. Et de nos derniers chefs, le juste châtiment, en fournit à toute heure un triste monument. Contemple donc Élie, le chef du tabernacle, que Dieu fit de son peuple et le juge et l'oracle. Son zèle à sa patrie eût pu servir d'appui s'il n'eût produit deux fils trop peu dignes de lui. Mais Dieu fait sur ses fils, dans le vice obstiné, tonner l'arrêt des coups qui leur sont destinés, et par un saint héros, dont la voix les menace, leur annonce leur perte et celle de leur race. Ô ciel, quand tu lanças ce terrible décret, quel ne fut point d'Élie le deuil et le regret. Mes yeux furent témoins de toutes ces alarmes, et mon front, bien souvent, fut mouillé de ses larmes. Ces vers sont remarquables parce qu'ils sont assez beaux comme vers. Le mouvement qui les termine pourrait être avoué d'un grand poète. L'épisode de Ruth, raconté dans la grotte sépulcrale où sont ensevelis les anciens patriarches, a de la simplicité. On ne sait qui des deux, ou l'épouse, ou l'époux, eut l'âme la plus pure et le sort le plus doux. Enfin, Cora réussit quelquefois dans le vers descriptif. Cette image du soleil à son midi est pittoresque. Cependant, le soleil, couronné de splendeur, amoindrissant sa forme, augmentait son ardeur. Saint-Amand, presque vanté par Boileau, qui lui accorde du génie, est néanmoins inférieur à Cora. La composition du Moïse sauvé est languissante, le vers lâche et prosaïque, le style plein d'antithèse et de mauvais goût. Cependant, on y remarque quelques morceaux d'un sentiment vrai, et c'est sans doute ce qui avait adouci l'humeur du chantre de l'art poétique. Il serait inutile de nous arrêter à l'Araucana, avec ses trois parties et ses 35 chants originaux, sans oublier les chants supplémentaires de Don Diego de Santisteban Orozio. Il n'y a point de merveilleux chrétien dans cet ouvrage. C'est une narration historique de quelques faits arrivés dans les montagnes du Chili. La chose la plus intéressante du poème est d'y voir figurer Ercilia lui-même, qui se bat et qui écrit. L'Araucana est mesurée en octaves, comme l'Orlando et la Jérusalem. La littérature italienne donnait alors le ton aux diverses littératures de l'Europe. Ercilia, chez les Espagnols, et Spencer, chez les Anglais, ont fait des stances et imité l'Arioste jusque dans son exposition. Ercilia dit « No las damas, amor, no gentilezas, de cavaliero canto enamorados, ni las muestras, regalos y ternezas, de amorosos afectos y cuidados, mas el valor, los hechos, las proxas, de aquelos españoles esforzados, que a la service de Arauco no domada pusieron duro yugo por la espada. c'était encore un bien riche sujet d'épopée que celui de la Lusiade. On a de la peine à concevoir comment un homme du génie de Camoens n'en a pas su tirer un plus grand parti. Mais enfin, il faut se rappeler que ce poète fut le premier poète épique moderne, qu'il vivait dans un siècle barbare, qu'il y a des choses touchantes et quelquefois sublimes dans ses vers, et qu'après tout, il fut le plus infortuné des mortels. C'est un sophisme digne de la dureté de notre siècle d'avoir avancé que les bons ouvrages se font dans le malheur. Il n'est pas vrai qu'on puisse bien écrire quand on souffre. Les hommes qui se consacrent au culte des muses se laissent plus vite submerger à la douleur que les esprits vulgaires. Un génie puissant use bientôt le corps qui le renferme. Les grandes âmes, comme les grands fleuves, sont sujettes à dévaster leurs rivages. Le mélange que le Camoens a fait de la fable et du christianisme nous dispense de parler du merveilleux de son poème. Klopstock est tombé dans le défaut d'avoir pris le merveilleux du christianisme pour sujet de son poème. Son premier personnage est un dieu. Cela seul suffirait pour détruire l'intérêt tragique. Toutefois, il y a de beaux traits dans le Messie. Les deux amants ressuscités par le Christ offrent un épisode charmant que n'auraient pu fournir les fables mythologiques. Nous ne nous rappelons point de personnages arrachés au tombeau chez les anciens, si ce n'est Alceste, Hippolyte et Hérès de Pamphylie. L'abondance et la grandeur caractérisent le merveilleux du Messie. Ces globes habités par des êtres différents de l'homme, cette profusion d'anges, d'esprits de ténèbres, d'âmes à naître ou d'âmes qui ont déjà passé sur la terre, jettent l'esprit dans l'immensité. Le caractère d'Abaddona, l'ange repentant, est une conception heureuse. Klopstock a aussi créé une sorte de séraphin mystique inconnu avant lui. Gessner nous a laissé dans « La mort d'Abel » un ouvrage plein d'une tendre majesté. Malheureusement, il est gâté par cette teinte doucereuse de l'idylle que les Allemands répandent presque toujours sur les sujets tirés de l'écriture. Leur poète pêche contre une des plus grandes lois de l'épopée, la vraisemblance des mœurs, et transforme en innocents bergers d'Arcadie les rois pasteurs de l'Orient. Quant à l'auteur du poème de Noé, il a succombé sous la richesse de son sujet. Pour une imagination vigoureuse, c'était pourtant une belle carrière à parcourir qu'un monde antédiluvien. On n'était pas même obligé de créer toutes les merveilles. En fouillant le Critias, les chronologies d'Eusèbe, quelques traités de Lucien et de Plutarque, on eût trouvé une ample moisson. Scaliger cite un fragment de Polystore, touchant certaines tables écrites avant le déluge, et conservées à Siparis, la même vraisemblablement que la Siphara de Ptolémée. Les muses parlent et entendent toutes les langues. Que de choses ne pouvaient-elles pas lire sur ces tables ? Chapitre 5. La Henriade. Si un plan sage, une narration vive et pressée, de beaux vers, une diction élégante, un goût pur, un style correct, sont les seules qualités nécessaires à l'épopée, la Henriade est un poème achevé. Mais cela ne suffit pas. Il faut encore une action héroïque et surnaturelle. Et comment Voltaire eût-il fait un usage heureux du merveilleux du christianisme, lui dont les efforts tendaient sans cesse à détruire ce merveilleux ? Telle est néanmoins la puissance des idées religieuses que l'auteur de la Henriade doit au culte même qu'il a persécuté les morceaux les plus frappants de son poème épique, comme il lui doit les plus belles scènes de ses tragédies. Une philosophie modérée, une morale froide et sérieuse, conviennent à la muse de l'histoire. Mais cet esprit de sévérité, transporté à l'épopée, est peut-être un contresens. Ainsi, lorsque Voltaire s'écrie dans l'invocation de son poème « Descendu haut des cieux, auguste vérité !» il est tombé, ce nous semble, dans une méprise. La poésie épique se soutient par la fable et vie de fiction. Le Tasse, qui traitait un sujet chrétien, a fait ses vers charmants d'après Platon et Lucrèce. saique la torre in mondo ove più versi, di sue dolcezze illusin guerre par nasso, etc. Là, il n'y a point de poésie ou il n'y a point de menterie, dit Plutarque. Est-ce que cette France à demi-barbare n'était plus assez couverte de forêts pour qu'on n'y rencontrât pas quelques-uns de ces châteaux du vieux temps, avec des machicoulis, des souterrains, des tours verdies par le lierre et pleines d'histoires merveilleuses? Ne pouvait-on trouver quelque temple gothique dans une vallée, au milieu des bois? Les montagnes de la Navarre n'avaient-elles point encore quelques druides qui, sous le chêne, au bord du torrent, au murmure de la tempête, chantaient les souvenirs des Gaules et pleuraient sur la tombe des héros? Je m'assure qu'il y avait quelques chevaliers du règne de François Ier qui regrettaient dans son manoir les tournois de la vieille cour, et ces temps où la France s'en allait en guerre contre les mécréants et les infidèles. Que de choses à tirer de cette révolution des Bataves, voisine et, pour ainsi dire, sœur de la Ligue. Les Hollandais s'établissaient aux Indes, et Philippe recueillait les premiers trésors du Pérou. Coligny même avait envoyé une colonie dans la Caroline. Le chevalier de Gourgues offrait à l'auteur de la Henriade l'épisode le plus touchant. Une épopée doit renfermer l'univers. L'Europe, par le plus heureux des contrastes, présentait au poète le peuple pasteur en Suisse, le peuple commerçant en Angleterre et le peuple des arts en Italie. La France se trouvait à son tour à l'époque la plus favorable pour la poésie épique. Époque qu'il faut toujours choisir, comme Voltaire l'avait fait, à la fin d'un âge et à la naissance d'un autre âge, entre les anciennes mœurs et les mœurs nouvelles. La barbarie expirait, l'aurore du siècle de Louis commençait à poindre. Malherbe était venu, et ce héros, à la fois barde et chevalier, pouvait conduire les Français au combat en chantant des hymnes à la victoire. On convient que les caractères, dans la Henriade, ne sont que des portraits. Et l'on a peut-être trop vanté cet art de peindre dont Rome, en décadence, a donné les premiers modèles. Le portrait n'est point épique. Il ne fournit que des beautés sans action et sans mouvement. Quelques personnes doutent aussi que la vraisemblance des mœurs soit poussée assez loin dans la Henriade. Les héros de ce poème débitent de beaux vers qui servent à développer les principes philosophiques de Voltaire. Mais représentent-ils bien les guerriers tels qu'ils étaient au XVIe siècle? Si les discours des ligueurs respirent l'esprit du temps, ne pourrait-on pas se permettre de penser que c'étaient les actions des personnages encore plus que leurs paroles qui devaient déceler cet esprit? Du moins, le chantre d'Achille n'a pas mis l'Iliade en harangue. Quant au merveilleux, il est, sauf erreur, à peu près nul dans la Henriade. Si l'on ne connaissait le malheureux système qui glaçait le génie poétique de Voltaire, on ne comprendrait pas comment il a préféré des divinités allégoriques aux merveilleux du christianisme. Il n'a répandu quelque chaleur dans ses inventions qu'aux endroits même où il cesse d'être philosophe pour devenir chrétien. Aussitôt qu'il a touché à la religion, source de toute poésie, la source a abondamment coulé. Le serment des 16 dans le souterrain, l'apparition du fantôme de Guise qui vient armer Clément d'un poignard, sont des machines fort épiques et puisées dans les superstitions même d'un siècle ignorant et malheureux. Le poète ne s'est-il pas encore un peu trompé lorsqu'il a transporté la philosophie dans le ciel? Son éternel est sans doute un dieu fort équitable, qui juge avec impartialité le bonze et le derviche, le juif et le mahométan. Mais était-ce bien cela qu'on attendait de sa muse? Ne lui demandait-on pas de la poésie, un ciel chrétien, des cantiques, Jéhovah, enfin le mince dit Wignor, la religion? Voltaire a donc brisé lui-même la corde la plus harmonieuse de sa lyre en refusant de chanter cette milice sacrée, cette armée des martyrs et des anges, dont ses talents auraient pu tirer un parti admirable. Il eût trouvé parmi nos saintes des puissances aussi grandes que celles des déesses antiques, et des noms aussi doux que ceux des grâces. Quel dommage qu'il n'ait rien voulu dire de ces bergères transformées par leurs vertus en bienfaisantes divinités, de ces Genevièves qui, du haut du ciel, protègent, avec une houlette, l'empire de Clovis et de Charlemagne. Il nous semble qu'il y a quelque enchantement pour les muses à voir le peuple le plus spirituel et le plus brave consacré par la religion à la fille de la simplicité et de la paix. De qui la Gaule tiendrait-elle ses troubadours, son esprit naïf et son penchant aux grâces, si ce n'était du chant pastoral, de l'innocence et de la beauté de sa patronne? Des critiques judicieux ont observé qu'il y a deux hommes dans Voltaire, l'un plein de goût, de savoir, de raison, l'autre qui pêche par les défauts contraires à ses qualités. On peut douter que l'auteur de la Henriade ait eu autant de génie que Racine, mais il avait peut-être un esprit plus varié et une imagination plus flexible. Malheureusement, la mesure de ce que nous pouvons n'est pas toujours la mesure de ce que nous faisons. Si Voltaire eût été animé par la religion comme l'auteur d'Athalie, s'il eût étudié comme lui les pères et l'Antiquité, s'il n'eût pas voulu embrasser tous les genres et tous les sujets, sa poésie fût devenue plus nerveuse et sa prose eût acquis une décence et une gravité qui lui manquent trop souvent. Ce grand homme eut le malheur de passer sa vie au milieu d'un cercle de littérateurs médiocres qui, toujours prêts à l'applaudir, ne pouvait l'avertir de ses écarts. On aime à se le représenter dans la compagnie des Pascal, des Arnaud, des Nicole, des Boileau, des Racine. C'est alors qu'il eût été forcé de changer de ton. On aurait été indigné à Port-Royal des plaisanteries et des blasphèmes de Ferney. On y détestait les ouvrages faits à la hâte. On y travaillait avec loyauté. Et l'on n'eût pas voulu pour tout au monde tromper le public en lui donnant un poème qui n'eût pas coûté au moins 12 bonnes années de labeur. Et ce qu'il y avait de très merveilleux, c'est qu'au milieu de tant d'occupations, ces excellents hommes trouvaient encore le secret de remplir les plus petits devoirs de leur religion et de porter dans la société l'urbanité de leur grand siècle. C'était une telle école qu'il fallait à Voltaire. Il est bien à plaindre d'avoir eu ce double génie qui force à la fois à l'admirer et à le haïr. Il édifie et renverse. Il donne les exemples et les préceptes les plus contraires. Il élève au nu le siècle de Louis XIV et attaque ensuite en détail la réputation des grands hommes de ce siècle. Tour à tour, il encense et dénigre l'Antiquité. Il poursuit à travers 70 volumes ce qu'il appelle l'infâme. Et les morceaux les plus beaux de ses écrits sont inspirés par la religion. Tandis que son imagination vous ravit, il fait luire une fausse raison qui détruit le merveilleux, rapetisse l'âme et borne la vue. Excepté dans quelques-uns de ses chefs-d'œuvre, il n'aperçoit que le côté ridicule des choses et des temps, et montre, sous un jour hideusement gai, l'homme à l'homme. Il charme et fatigue par sa mobilité. Il vous enchante et vous dégoûte. On ne sait quelle est la forme qui lui est propre. Il serait insensé s'il n'était si sage et méchant, si sa vie n'était remplie de traits de bienfaisance. Au milieu de ses impiétés, on peut remarquer qu'il haïssait les sophistes. Il aimait naturellement les beaux-arts, les lettres et la grandeur. Il n'est pas rare de le surprendre dans une sorte d'admiration pour la cour de Rome. Son amour-propre lui fit jouer toute sa vie un rôle pour lequel il n'était point fait et auquel il était fort supérieur. Il n'avait rien en effet de commun avec messieurs Diderot, Rénal et d'Alembert. L'élégance de ses mœurs, ses belles manières, son goût pour la société et surtout son humanité l'aurait vraisemblablement rendu un des plus grands ennemis du régime révolutionnaire. Il est très décidé en faveur de l'ordre social, sans s'apercevoir qu'il le sape par les fondements, en attaquant l'ordre religieux. Ce qu'on peut dire sur lui de plus raisonnable, c'est que son incrédulité l'a empêché d'atteindre à la hauteur où l'appelait la nature, et que ses ouvrages, excepté ses poésies fugitives, sont demeurés au-dessous de son véritable talent. Exemple qui doit à jamais effrayer quiconque suit la carrière des lettres. Voltaire n'a flotté parmi tant d'erreurs, tant d'inégalités de style et de jugement, que parce qu'il a manqué du grand contrepoids de la religion. Il a prouvé que des mœurs graves et une pensée pieuse sont encore plus nécessaires dans le commerce des muses qu'un beau génie. Fin du livre premier.